secondes. La présidente de l'événement, Chantal Arnold, sur les ondes ce matin de danoisdesport.com, a mentionné qu'elle était très, très contente de l'activité. Ben, le monde, oui, le monde, la température, parce qu'on a quand même eu de la belle température aller jusqu'à hier après-midi. Mais je te dirais que le gros était passé, donc c'était moins grave là, qu'il pleuve, étant donné qu'on avait un beau spectacle de Guylaine Tanguay sous le chapiteau. Donc, ça a été rondement, puis toute la fin de semaine, là, les gens, on n'a eu que des bons commentaires. Maintenant, on va parler des Jeux olympiques de Rio qui se sont terminés hier. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'Almatois Léandre Bouchard a pris le 27e rang lors de la première participation aux Jeux olympiques. Bouchard a monté jusqu'en 21e place, mais une chute de Bouchard lorsque le Russe Anton Sintov lui a barré la route lors de la zone de ravitaillement l'a ramené en 27e position. Néanmoins, du côté de l'entourage de Léon Bouchard, on est très heureux de sa performance. L'entraîneur Jude Dufour a confié au journal Le Quotidien que pour le classement de Léon Bouchard, la 27e position, ben, ça représente bien son rang actuel. Parlons de hockey mineur maintenant. Les inscriptions pour la prochaine saison au hockey mineur aura lieu demain soir, mercredi soir et jeudi soir à l'aréna de Normandin et l'aréna de Dolboom-Sesny. Le prix maintenant, pour les pré-novices, ça a été fixé à 90$, novice 160$, atome 200$, peewee 215$, bantam 240$ et midget 250$. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Vendredi, on a parlé avec Frédéric Daigle de la presse canadienne. On s'est également entretenu avec Marc Griffin, où on a parlé un peu de la dispute qu'il y a eu entre Josh Donaldson et John Gibbons la semaine dernière. Sport local et régional, à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.